Il y avait conférence de presse ce matin pour dévoiler la deuxième édition du Salon du coureur qui se déroulera du 12 et 13 mai prochain. Avec moi, j'ai Stéphanie Adam. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Stéphanie, deuxième édition cette année et il y a quelques nouveautés. Oui, bien en fait, l'heure de la course, c'est le samedi matin à 8h30. Ensuite, on a trois conférenciers. Encore cette fois-là, on a cherché là, pour aller chercher des gens qui vont plaire autant au coureur qui prend son entraînement sérieusement, qui fait de la compétition et tout ça avec l'arrivée de M. Guy Thibault. Et aussi à monsieur, madame, tout le monde qui veut courir, mais pour le plaisir, ou même marcher, simplement là, se remettre en forme, avec Nathalie Bisson qui va être là. On a aussi dans les conférencières Annie Bouchard-Mercier qui est nutritionniste, qui peut donner des bons conseils, quoi manger, comment s'hydrater, tout ça, avant, pendant une course, après et tout ça. Là, on est allé chercher plein de gens pour répondre aux besoins, aux questions de tout le monde. Un peu moins de conférenciers que la dernière fois, par contre. Oui, on a une personne de moins. En fait, c'est qu'on trouvait qu'il y a 2 ans, notre horaire avait peut-être été un peu chargé avec 2 conférences le vendredi soir, 2 le samedi. Là, on a réduit 1 seule le vendredi, 2 le samedi, à des moments qui sont aussi là, variés pour permettre aux gens, quand ils ne sont pas en train de regarder, d'écouter les conférenciers, d'aller visiter les exposants. On en a 20 qui vont être présents aussi. Donc ça, là, ça fait vraiment notre bonheur. Le Salon des coureurs se tient encore aux Chutes des Pères parce qu'on trouve que c'est l'endroit parfait pour nous, en ce sens où un côté de la salle est bien utilisé par les exposants et les conférenciers sont dans une autre salle à différents moments. OK. Stéphanie, si on parle un peu aussi de la présidence, vous avez confié ça à Stéphane Leroy. Pourquoi Stéphane? En fait, Stéphane, pour nous, là, de un, par son implication avec le magasin Intersport, ça, c'est sûr que ça nous rejoignait parce qu'il nous aide à aller chercher des exposants là, dans le domaine de la chaussure, du vêtement et tout ça, mais aussi parce que Stéphane, c'est un sportif. On le voit courir, on le voit faire du ski, on le voit faire du vélo. On lui a demandé, évidemment, il trouvait que notre idée était très, très intéressante. Même il y a 2 ans, il nous a beaucoup aidé, même s'il n'était pas dans notre comité. C'est quand même là, une aide qui est très, très, très appréciable. OK. Si on parlait aussi des jeunes, de mentionner la conférence de presse, tu voulais avoir les jeunes cette année aussi. Là. Exactement. Là, cette année, les jeunes du Club du Mille, là, voilà les jeunes, il y en a qui vont être présents pour s'impliquer lors de la course le samedi à 8h30. On veut que les jeunes se sentent concernés par ce qu'on fait ici, parce qu'en même temps, ce sont eux, là, la relève de demain, ce sont eux qui courent en ce moment dans les écoles, partout ça. Ce sont eux aussi qui peuvent peut-être dire « Papa, maman, on va voir le Salon des coureurs, on va voir qu'est-ce qui se passe là. J'ai un intérêt pour m'améliorer, je veux faire ça. » Donc, on espère que les jeunes vont venir, surtout que pour eux, c'est gratuit. Autant le vendredi, autant que le samedi. Pour les adultes, c'est 10 $ pour les 2 jours. Puis, ils peuvent courir la chance de gagner une présence qu'on a. Des beaux prix, là, des lunettes, des chaussures, des inscriptions pour des courses, plein de trucs intéressants. Et tu as mentionné aussi dans la conférence de presse que ça ne s'adresse pas à M. Tout-le-Monde. Ça s'adresse à M. Tout-le-Monde, c'est-à-dire. Oui, vraiment, vraiment. Celui qui court vraiment beaucoup, qui veut s'améliorer, qui fait de la compétition, c'est sûr qu'il va y trouver son compte. La personne qui est chez elle, qui dit « j'aimerais commencer à courir, commencer à marcher », bien, de un, elle va venir chercher de la motivation ici en étant entourée de gens qui ont la même passion qu'elle, le même intérêt. C'est sûr que nous, on fait ça là, pour plaire à tout le monde. Puis c'est un peu ce qui représente même notre comité, parce que dans notre comité, on a des grands coureurs. On en a qui ne courent pas, on en a qui veulent courir, on a de tout. Mais ce qu'on veut, c'est que ce soit des gens qui veulent penser à eux. Puis c'est pour ça un petit peu là, qu'on fait le salon. Ça va dans le concept là, de prendre notre santé en main. Là. OK. Ben, vous attendez combien de monde? Bien, en fait, on n'a jamais vraiment d'attente parce que plus on en a, mieux c'est. Mais c'est sûr qu'on espère que la population va être derrière nous, qu'il y ait beau temps, mauvais temps. Nous, on est là pour les accueillir. Puis on a travaillé fort dans la dernière année pour préparer un salon de qualité. Merci beaucoup, Stéphanie Adams. Merci à toi. Merci, Stéphanie Adams.